Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tête. Spécialiste du genre humain, j'écris depuis longtemps des poésies simplettes. Je suis le slamiste, spleen l'ancien. Spleen l'ancien ? Oui, bien sûr, car le spleen est ailleurs, car le spleen est hier au rayon oubliette. L'amertume est un os à ronger pour le cœur, et cet os à les agues, je le jette. J'ai pleuré toute ma vie les galères. Aujourd'hui, j'ai une pêche d'enfer. C'est tip-top, ça déchire, je suis open. J'arrive presque à parler comme les jeunes. La vie, c'est juste une péripétie. Inutile d'en faire un fromage. Tu me dis « Ah mais non, je dis si. » Ou alors tu stresses et y a dommage. Moi qui suis un gars d'août, j'aimerais mourir l'été au moment des étoiles filantes. Sortir de trois conneries, ouais, j'aimerais plaisanter à l'instant où la vie me plante. Je veux mes frères musiciens, mes amours féminines, si possible quelques bandoneons furieux, des tangos argentés, le béguin des frangines, et je veux qu'on en prenne plein les yeux. Je veux du jaune, du rose et du fuchsia, je veux du rire, du kitsch et la fiesta, pas de noir le jour où on m'enterre, je veux une teuf extraordinaire, pourquoi pas un air de cornemuse, à l'instant où mon soleil se couche. La vie ne sert que si l'on en use. Je veux pas voir le match depuis la douche. Je remonte la rivière. Je remonte la rivière. Je remonte la rivière comme n'importe quel saumon. Je balance les trucs à la gomme. Et je sais où les mots bulles de savon s'en vont. Aujourd'hui je slame, homme, je slalom. Si tu aimes le chien, tu aimes aussi les bus. La vie est noire et grise, la vie est rose, bonbon. Il faut faire un looping ou trouver une astuce. Éviter l'autobus en plein front. Premier jour de l'automne 2006. Premier jour et nouveau synopsis. La terre est folle et moi, le bouffon. J'ai un rôle, le sens de la mission. La vie c'est file ou passe, t'as ta chance. La vie c'est rien et c'est quoi en plus. Un faire-part acte de renaissance. Et alors, c'est bénef, tout bonus. Dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tête. Témoin du grand bordel terrien, je viens pour m'amuser, pour vous compter fleurette. Je suis le slamiste, spleen l'ancien. Coco jolie, je t'aime jusqu'à ma dernière rime. Appelle-moi spleen tout court. On aura l'air.